Bonjour, aujourd'hui on est le 24 juin 2014 et le 26 Ivan 5774. Et ce cours est en direct de MTC Montréal avec le Rav Ben Pinto concernant la paracha de Khukat, avec la para Douma et tous les concepts qui englobent cette paracha. Ce cours va être pour les Lunishma de Rosalie Batourida, de la Refoshema Nissim Ben Aviva, de Yael Bat Rosalie, de Benjamin Ben Yael, de. Et Bezat Hashem de la libération des trois soldats qui sont pris en otage toujours par les Arabes. Bezat Hashem. Alors, par le Hamas. Bezat Hashem, alors que ce cours les aide à les délivrer. Et on commence ce cours et bonne soirée. Mardi soir de la paracha. Bon, c'est une paracha. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la paracha. On ne pourrait pas couvrir tout ce qui se trouve dans tous les éléments qui se trouvent dans la paracha. Ce qui est certain, c'est qu'on va discuter de la para Adouma, la vache rousse. Oui, Khatan. Alors, premièrement, un concept qu'on trouve dans la paracha, c'est Touma et Tahara, la pureté et l'impureté. Ça, c'est une des choses qu'on va discuter, qu'on va voir que tout le concept d'impureté, de pureté, s'applique juste aux juifs. Qui est très intéressant. La Gemara dans Maseret Nazir, elle dit, et c'est ramené dans le Rambam, que un cadavre d'un non-juif n'impurit personne. Même si on le touche, etc., il ne fait rien du tout. Assez intéressant. Touma et Tahara, ça s'applique juste aux juifs. Deuxièmement, ce que je voudrais en discuter, c'est cette Gdusha qui vient au peuple juif, elle est venue de où? C'est à quel scout, à quel mérite? Quand est-ce que cette Gdusha se trouve dans le peuple juif? Tous les dinims de Touma et Tahara, la première fois qu'ils sont ramenés, le Ibn Ezra sur la paracha, il rapporte que les dinims de Touma et Tahara, les lois de impureté, ont été donnés déjà à Har Sinaï et ils se retrouvent ici dans cette paracha aussi. C'est une grande question aussi, que qu'est-ce que ça fait ici, juste au milieu? Remarquez, tous les... Il a dit comme ça, il a dit si vous prenez une tranche, c'est... Ah, ça, là, on l'a sait, si mais... vous prenez deux, c'est un motif. Okay. Voilà ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui s'est renseigné. Oui, c'est comme ça, parce qu'il est couvert. Très bien, merci. Avec deux tranches, on est couvert à la Souda. Une tranche, c'est comme un... De toute façon, on est assis, on est couvert à la Souda. C'est une tranche. La tranche, ça peut être un snack. Parce qu'une tranche, ça peut être comme un snack. Ok. C'est très tiré. Ok. J'ai fait mes arrêts. Un petit pizza. Alors, you have to wash. Oh, you wash. Bien qu'il y ait un petit pizza. Ok, bref. Ok, alors... Alors, premièrement, qu'est-ce que fait cette paracha ici? Peut-être on va en venir à en parler, je ne sais pas si on aura assez de temps. Qu'est-ce que cette paracha se trouve au milieu de la paracha des Meraglim, Korach ou la paracha de Khuka? Qu'est-ce qu'elle fait ici? On aurait pu penser que la paracha de Khuka va se trouver où? Avec les Kohanim. Oui, la paracha de Vaikra, au moins dans le Sefer Vaikra. Ça discute de toutes les lois des Kohanim. Qu'est-ce qu'elle fait ici, juste au milieu de Madvarim, Korach? Excusez-moi, Shalach, Korach et après Khukat. Bon, le Ibn Ezra sur place aussi, comme on avait rappelé, il rapporte que puisque dans la paracha on trouve les matanot de Keuna, les parties que le Kohen recevait au temps du Beth Amikdash, etc. Alors, il se trouve ici, mais c'est toujours pas à 100% comme réponse, puisqu'on aurait pu tout mettre dans le paracha. Peut-être ça suit la rébellion de Korach, peut-être qu'il s'est rebellé avec les Kohanim. Très possible. C'est une des explications, mais il faut la comprendre exactement, que c'est l'explication. Je vais essayer de le dire, de l'expliquer, on va voir. Deuxièmement, on trouve dans la paracha, c'est écrit « Vaikru Elecha ». Vaikru Elecha, la paracha, elle dit que cette... que la para Adouma, elle est connectée ou reliée à Moshe Rabbeinu, spécifiquement à Moshe Rabbeinu. Parce que c'est écrit Vaikru Elecha, elle aurait dû dire Vaikru. Et il faut prendre une para Adouma, etc., tous les lois qui s'appliquent. Quelle est la connexion de la para Adouma avec Moshe Rabbeinu, spécifiquement? Comme on sait très bien que la Gemara aussi, elle dit que tous les parotes Adoumot dans toutes les générations, ils avaient du cendre de la paradouma de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire de la vieille pour mélanger. Ils l'avaient toujours dans la vieille. Les Kohanim devaient toujours mélanger le cendre de la paradouma que Moshe Rabbeinu il a fait. La dernière va se faire par Melech HaMashiach. La dernière. Il y en avait 9 dans toutes les générations. La 10e, ça va être Melech HaMashiach qui va faire la 10e, qui va amener une autre phase, si on veut, de pureté. Maintenant, alors la première question. C'est par quel mérite on a cette impureté? C'est ça. Quel mérite on a cette impureté? Si on peut appeler ça un mérite. Mais en vérité, est-ce que c'est un mérite? C'est un d'ailleurs, c'est incroyable que ce Shabbat, on était en train, voilà, avec M. Lassri de tout le Inyan de Netilat Yadayim, mm-hmm. Oui, à côté du lit, etc. J'ai acheté un. Et vous avez acheté. Et ça se trouve dans cette paracha. Le Zohar de cette paracha, on discute de tout le Inyan. Bon, ça, c'est, je vous en parle, ça m'a rappelé ça. Le Zohar, il dit comme ça. Avant qu'on arrive au Zohar, dans le Tania, s'est rapporté que chose de très très fort. Il y a beaucoup de choses. Quand ils ont traduit le Tania en anglais, il y avait des gens qui ont demandé au Rabbi est-ce qu'on devrait écrire aussi cette section. Parce que dans le premier chapitre de Tania, c'est écrit que les autres nations viennent tous de. Ils n'ont pas un côté bien. C'est-à-dire les non-juifs. Ils n'ont pas, certainement pas de nefesh elokit, ils n'ont pas une neshama divine, et ils n'ont même pas une nefesh bahamit. Oui, un âme analytique, comme les juifs l'ont, ils n'ont pas, ils sont tous, toute la source, ils ont une source de mal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les commentaires sur place, ils disent que les chassidés au mot haolam, pourquoi je rapporte ça? Parce que, je ne sais pas si quelqu'un a une fois regardé les shiurim de Rabbi Dinovitch. Est-ce quelqu'un qui connaît les shiurim? Dans un de ces shiurim, il a rapporté que les non-juifs ont aussi une effet elokit. C'est complètement faux. Excusez-moi que je le dis comme ça, mais c'est faux. C'est faux parce que il y a quelqu'un qui est venu, m'a demandé cette question. On a fait les recherches, j'ai demandé à des autres rabbinim et j'ai trouvé une source que le rabbi dit que selon la Kabbalah, les non-juifs peuvent avoir une nefesh behemit, ça veut dire un âme mystique, comme les juifs. Mais certainement pas qu'ils ont une nefesh elokit. Mais s'ils font les 7 mitzvot, ils méritent aussi un. Ils ont un mérite, certainement, ils vont avoir un mérite, et quand Mashiach va venir, ils vont avoir une partie dans le monde prochain, etc. Mais une nefesh elokit, une âme divine, comme que le juif a, qui fait une partie de Dieu, ça, les autres nations du monde ne l'ont pas. Comment vous expliquez alors Ruth Amoria? Alors, Ruth Amoria, elle s'est convertie. On va arriver à ça. Et on a tellement d'autres exemples. Hein. Non, les convertis, c'est une autre chose. On va arriver aux convertis, une seconde. Chose à la fois. On parle comme ça. Les autres nations, les nations n'ont pas une âme divine, une nefeshel au kit, comme que le peuple juif a. Les chassidés au mot haolam, qui sont les bons des autres nations, ils ont une effet chez Béhémite. Ils peuvent avoir du bien comme que le juif a, mais pas une âme divine. Donc, ça veut dire que quoi? Tous ces gens, c'est Bnei Noach que moi je. Vous fréquentez. Et qui me demandent fréquemment de les aider avec certaines choses. Tous ces gens-là, c'est simplement des gens. Ils ont pas une âme divine. Tous ces gens-là. Ils sont des gens très bien. Ils étaient au Sinaï, mais ils n'ont pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? On n'a pas dit. Pourquoi ils étaient à Sinaï? Ils n'étaient pas à Sinaï. Mais au Sinaï, il y avait des goïms, il n'y avait pas de juifs. Non, il y avait le peuple juif. Il y avait un peuple juif. Il y avait Bnei Israël. Il y avait Bnei Israël. Et avec les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le Erevra, vous voulez dire? Bon, on sait très bien que toutes les nations ne se trouvaient pas. Les Chinois, il y avait tout. Il n'y avait pas toutes les nations qui se trouvaient à Matan Torah. Non, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, après, juste avant qu'ils rentrent en Eretz Israël, ils ont traduit la Torah en 70 langues. Ils n'étaient pas parmi autant de matin de Torah? Certainement pas. Maintenant, est-ce que les peuples juifs avaient un din? Il y a toute une recherche. Est-ce que le peuple juif, il avait un statut de bnei noir jusqu'au temps qu'ils ont reçu le matin de Torah? C'est une autre question. Je pensais que... Mais les autres nations, ils n'étaient pas là. Le juif, c'est un goy qui a reçu la Torah, je pensais. Et qu'il a accepté. Ok, très... Et qu'il a accepté, pas qu'il a reçu, parce qu'il a reçu, il ne peut pas l'accepter. Qu'il a reçu et qu'il a accepté, alors là, il devient un juif. Oui, mais on est béné Yaakov. Très bien, ok, très bien, on va en parler de ça, on va en parler de ça, mais ça ne change rien, ça ne veut pas dire que toutes les nations se trouvaient là au moment de Matan Torah. Même Abraham Avinu, il n'était pas là-bas, mais il était là-bas. Les âmes, ok, très bien, ça c'est les âmes. Hein? Les non-juifs qui aiment les juifs pour être... C'est chassidé au Mota'olam. Ils ont une nefesh behemid comme que le juif a. C'est quoi la nefesh behemid? Nefesh behemid, c'est les instincts, si on veut. L'instinct animal. Maintenant, l'instinct animal, le Tanya, il explique que même chez le juif, il a un côté bon. C'est pour ça qu'on peut trouver même les gens qui ne sont pas nécessairement pratiquants, ils ne sont pas religieux. Le juif, il a un instinct de faire du bien. Soit qu'il est religieux, il garde la Torah, etc. Ils ont un instinct de faire le bien parce que même à sa source, même l'instinct animal du juif, il a d'un côté bien. Alors, le non-juif peut arriver à un niveau comme ça, mais une âme divine, il n'en a pas. Ça, c'est les mots exactement du Tania et du Rabbi. Donc, un tzadik, un goyim, ne peut jamais arriver. Il peut arriver à un niveau très très haut, mais il n'a pas une âme divine. Nefesh Elokit, il n'en a pas, c'est juste le juif. Hein? S'il est converti. Converti, on va arriver à ça. Et qu'est-ce qui fait sa différence entre Nefesh Elokit? C'est un surplus. C'est quoi? Une option? C'est pas une... C'est un upgrade. Upgrade, c'est ça. C'est non, non, avantage. C'est pas un upgrade. C'est pas un upgrade, parce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est un contrat. Je vais vous expliquer. Le Maharal de Prague, il explique. Le Maharal de Prague, il explique. Quelle est la différence? Dans le monde, on a quatre catégories d'existence. Ça veut dire quatre choses dans le monde. Il y a le domaine, qui est... Inanimé. Inanimé. Chose qui n'est pas inanimée, c'est ça. C'est le domaine minéral. Les roches, les minéral. Et après ça, on a la plantation. Végétal. Et animal. Et être humain. Et le parlant. L'être humain, celui qui parle. Ouais, celui qui parle, le parlant, c'est l'être humain. Et le cinquième, le Maharal Mibrak, il dit c'est le juif. Ok. Même que le juif, il est de façon générale est compté par celui qui parle, l'être humain, il y a une très grande différence entre. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre le créateur et la créature? Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est la différence entre. Le Maharal, il explique comme ça. La différence, apprend la chose la plus raffinée. Dans les minéraux, ok. C'est quoi la chose à plus raffinée? On va dire c'est un diamant. Est-ce qu'on peut la comparer à la chose, à une végétation la plus basse qui existe? Pas la comparer. C'est incomparable. C'est pas que dans le domaine de minéraux, oui, et la végétation, elle est à un niveau plus haut. Non, c'est complètement indifférent existence. Parce que le minéral, il n'a aucune vitalité. Ça, il a une vitalité, mais il ne bouge pas, il ne grandit pas. Il n'y a aucune expression de vie. Dans les végétations, il y a une expression déjà de vie. Bon, il reste à sa place, la différence entre la végétation et un animal, que l'animal, il peut se déplacer, tandis que le végétal reste, mais il grandit. Il y a un mouvement. Certainement, et si on passe à l'autre catégorie, on ne peut pas comparer l'animal même à un arbre le plus joli, le plus beau. Tu ne peux pas le comparer à un animal. Et, de même chose, l'animal, on ne peut pas le comparer à l'être humain le plus bête au monde. Oui, l'animal le plus intelligent au monde, c'est quoi? Les dauphins? L'éléphant et le singe. L'éléphant, je ne sais pas, l'animal le plus intelligent. Est-ce qu'on peut le comparer à un être humain le plus... Il y a le chien, non ? Le chien, oui. Ok, ça soit... Prenez l'animal le plus intelligent. Est-ce qu'on peut le comparer à un homme, même s'il est le plus bête possible qu'il y a dans le monde ? On ne peut pas le comparer. C'est incomparable. Alors le Maharal, il dit... La comparaison qu'il y a entre un être humain, un juif, est encore plus grande et relative qu'un minéral à un être humain. Parce que le juif, il fait partie du créateur, tandis que toutes les autres catégories font partie de la création. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Le juif, il est parti du créateur. Ça veut dire que le créateur et la création, c'est pas que le créateur, il a un niveau beaucoup plus élevé que la création. C'est même pas la même catégorie. On parle de quelque chose complètement différent. Le créateur, il est infini, tandis que la création, elle est limitée. Le créateur, etc., etc. Le juif, il fait partie du créateur. Ok, je comprends mieux. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que la révélation chez les juifs, elle est dans un face-à-face avec Hachem, alors que pour toutes les autres, Umota, ou là, même les tzadikés, les musulmans, les chrétiens qui sont les plus élevés, etc., tout ça s'est fait à travers un intermédiaire qui n'est même pas un humain, Oui, mais n'oubliez pas, excusez-moi, on n'est pas en train... C'est la différence. C'est une des différences. La différence, je ne sais pas, mais c'est une des différences. Mais excusez-moi, les amis, ça ne veut pas dire que le non-juif, il faut le regarder de façon comme s'il était rien, il ne faut pas le respecter. Ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que celui qui a le Nefesh Elohim est supérieur. Parce qu'on trouve chez les juifs des Rechaim... Non, attends, il vient de te dire que parce qu'on a un effet chez Elohim, on est capable de se contaminer dans la plus totale. Non, une seconde. Oui, on n'est pas arrivé encore à ça. On va arriver à ça. Que le goy ne peut pas atteindre. Non, bien sûr. C'est ce que je voulais. Alors, c'est pas que tu as la qualité, tu as le défaut qui vient avec la qualité. Une seconde. Cette supériorité, elle vient de Dieu. C'est pas juste une supériorité qui vient de l'être humain. Du juif. La supériorité, c'est parce que chaque juif, il a une étincelle divine qui se trouve en lui. Cette étincelle divine qui se trouve dans chaque juif, le fait partir du Créateur. Le représentant, si on veut, Vaïtemli, Mamblech et Kohanim, Va'am Kadosh. On devient, Kadosh, ça veut dire d'être exalté. Oui, certainement qu'il y a une supériorité. Pas du façon qu'on doit marcher et dire ah on est les meilleurs, etc. Il y a une supériorité parce qu'il se trouve en nous, même un rachat, un juif qui a un plus grand rachat, cette étincelle qui se trouve en lui le fait toujours faire partie de Dieu. Le rachat, comment est-ce qu'on définit un rachat aussi? C'est pas nécessairement un rachat qu'on le définit toujours selon ses actions. Et rachat, c'est lui qui est. C'est quelqu'un qui trouve dans l'existence de Dieu. Puisque chaque juif se trouve dans cette existence, il a toujours ce potentiel de devenir très proche de Dieu. Regardez, toujours le tzaddik, comment est-ce qu'il regarde un juif quand il le voit? Il ne regarde pas de la façon qu'il est maintenant. Il regarde son potentiel. Comment est-ce qu'on peut trouver, même chez les plus grands classiques, même chez le rabbi, tu voyais un gars qui était complètement paradigieux, qui venait chez le rabbi. Le rabbi lui parlait gentiment, etc. Et en même temps, on lui disait, tu sais que tu dois faire ça et ça et ça. Comment? Tu vois, le gars, il regardait le rabbi. Comment? Deux extrémités. J'ai aucune connexion avec la Torah. Pratiquement, je ne fais rien. Parce que le rabbi regardait, oui, maintenant tu ne fais rien. Mais tu as un potentiel. Et ce potentiel, tu peux toujours arriver à ce potentiel. Tu peux toujours... Mais pourquoi on va mettre un gars qui n'a jamais vu ses téfilim à l'âge de 80 ans, on va commencer à lui mettre des téfilim? Pourquoi? Parce qu'il a un potentiel, et ce potentiel, il peut toujours être dévoilé en lui. C'est ça, un juif. Le potentiel qui se trouve en lui étant l'étincelle divine. En se basant sur ça, le Zohar, il explique pourquoi la Touma, l'impurité, se trouve dans un juif et non chez un goy. Pourquoi? Je vais vous lire un petit peu, je ne vais pas tout lire le Zohar, mais une petite partie du Zohar. Il dit quand Israël, Béchach, ou met Kol Dushot, Kolom, Issalkot, Mimeno, Mistalk, Mimeno, Tselem, Akadosh, ou Mistalk, Mimeno, Ruach, Kutcha, Lachel, Ishar, Gouf, Tamé. Quand un juif, Chas Shalom, après 120 ans, il meurt, la Gdusha qui s'est trouvée en lui, elle le quitte. Oui ? Ça veut dire l'âme, l'intincelle divine qui était en lui tout ce temps-là, elle quitte le corps, elle retourne à sa source, elle retourne devant Hachem. Qu'est-ce qui reste maintenant ? Il reste juste un cadavre. Dans le cadavre, il s'attire à cette touma. Il s'attire au corps du juif. Parce qu'il y avait quand même de la Gdusha. La touma s'attire toujours à la Gdusha. Tandis que le non-juif, il n'avait jamais cette Gdusha en lui. Alors, quand son corps il quitte, et son âme elle quitte, il n'y avait jamais rien de Gdusha qui s'est trouvé ici. Il était impur au moment tant qu'il était vivant. Il n'y avait jamais une forme de Gdusha qui se trouvait en lui. Alors, même qu'après qu'il est mort, l'impureté ne s'attire pas au cadavre du non-juif. Et c'est comme ça que le Zohar il explique. C'est pour ça l'impureté se trouve, l'impureté se trouve chez le juif et non chez le non-juif. À cause de cette âme divine qui se trouve en lui tout le temps. Non ? Ah oui, il est gâté. Hein ? Une femme non-juive. Elle n'a pas de problème de Nida ? Non, il n'y a pas. Elle n'a pas de Nida ? Non. Puisque elle dit qu'elle n'a pas de. Il n'y en a pas d'Adam Shpacha dans le jeu. Non, il n'y a pas. C'est pas de... Même si on rentre dans un mikvé, ça n'a aucune valeur. Non, c'est okay. Pourquoi elle va rentrer dans un mikvé ? Ça rien. Elle n'a pas une touma de Nida. Chaz de Shalom. Entre parenthèses, je vais vous donner un exemple. Pas nécessairement peut-être le meilleur exemple, mais un homme qui a eu des relations avec une femme non-juive, oui, il a fait peut-être un péché, mais il n'a pas eu de relation avec une femme qui était Nida. Tandis que s'il va avoir une relation avec une femme non mariée, par exemple, et qui est juive, il a eu des relations avec une femme qui est Nida, qui est beaucoup plus sévère. Ça s'applique pas, les lois de Nida ne s'appliquent pas en non-juif. Tandis que les lois de Nida s'appliquent à une femme juive et non à une femme non-juive. Une question. Oui. Si c'est un non-juif qui se convertit au judaïsme. Ah, ok, ça on va arriver. Hein? On va arriver. Est-ce qu'il a la même chose qu'un juif ? 100%. Est-ce que tu parles maintenant ? 100%. Ah ouais. 100%. Aucune différence. Comment il peut venir, parce que quand même il est déjà né, il a peut-être 40 ans ou 50 ans. Comment c'est tu ça? Tu prends le goy, tu l'amènes au Sinaï, ça fait un juif. Bon, mais c'est pas tout à fait ce qu'il a dit là-bas. Quoi, c'est quoi? Non. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, moi, je pense excusez-moi. Que la Neshama, on transmet. C'est-à-dire mon fils, et moi après c'est mon petit-fils, c'est on transmet. Ça fait, c'est comme l'ADN, tu sais. Oui. Ça. Alors quand il devient ok, alors c'est ça qu'est-ce que le Or HaChaim HaKadosh il a un pirouche incroyable dans cette paracha de la semaine. La paracha elle commence Zohukat HaTorah. Oui, alors le Or HaChaim dit qu'est-ce que ça veut dire Zohukat HaTorah? Alors il aurait dû dire Zohukat HaTum'ah. C'est quoi Zohukat HaTorah? Voilà les lois de la Torah. Mais on parle de paradouma. La paradouma, c'est pas toute la Torah. Ça aurait dû dire Zohukat HaPara. Voilà les lois de la paradouma. Voilà les lois de Touma et Tahara. Voilà les lois des impuretés, etc. Ça veut dire Zohukat HaTorah. Alors, Chaim, il explique comme ça. Comme qu'on avait expliqué que les lois d'impureté et de pureté s'appliquent juste aux juifs, et lui, il ramène une source, pas nécessairement du Zohar, mais de Maseret Nazir et du Rambam, que Maseret Nazir et Rambam qui dit que le cadavre d'un non juif n'impurifie pas personne et il n'a pas des signes d'impureté. Lui, le Or HaChaim, il ramène un machal, une métaphore, et il compare, c'est assez fort comme métaphore, il dit comme ça, le cadavre d'un juif et le cadavre de, d'un non-juif, c'est comme si on sortait de deux pots. Un pot qui a du déchet dedans, un pot qui a du miel dedans. Alors quand on les met dehors, les mouches viennent un petit peu sur le déchet, ils viennent sur le miel. Sur le miel, qui est un petit peu comme ce que le Zohar il explique. Parce que puisqu'il y avait une âme divine qui se trouvait chez le juif, quand elle part, l'impureté veut s'attraper au corps du juif puisqu'il avait un signe de pureté dans son corps. Tandis que chez le non-juif, ça ne s'applique pas. Maintenant, d'où est-ce que ça vient tout ce concept d'impureté et de pureté? D'où est-ce que ça vient tout ça? Il dit, on l'a reçu à Matan Torah. Moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'âme divine, on l'a reçu quand? Adam Arishon. Adam Arishon? Non. Oui, certains, Adam Arishon. Très bien. Vaifar Be'apav Ruach Chaim. Oui, Hachem, il lui a soufflé du souffle de Dieu, il lui a donné cette âme. Très bien. Après ça, c'est qui? Et Noach. Noach, ok, très bien. Noach, et il y avait des autres tzadikim au temps de Noach? Les mères. Metushelach. Shem. Très bien. Il y avait Abraham. L'autre. Abraham. Il y avait l'autre, non? Non, l'autre c'était un livre. Après ça, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Alors, l'âme divine, le Harizal, il explique qu'elle se trouvait dans Yechide Segula. Yechide Segula, ça veut dire qu'il y avait certains tzadikim dans chaque génération, qu'eux, ils avaient cette âme divine. Mais qu'en peuple, pas tout le peuple juif n'avait encore l'âme divine. L'âme divine, le Or HaChaim, il explique ce Vezot Chukat. Quand est-ce qu'on a eu toutes les lois d'impureté et de pureté? HaTorah, Amatan Torah. Zot Chukat, HaTorah. Les lois d'impureté et de pureté sont venues au peuple juif au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, ça veut dire que quoi? C'est comme un guerre chez Nidgayer. Ça répond à votre question. C'est comme si c'était un converti. Le peuple juif, ils avaient une existence, une certaine existence, autant avant Matan Torah. Ils étaient, si on veut, même des Bnei Noach. Autant de Matan Torah, ils sont devenus comme des convertis. Et le Rachaim, il s'appuie sur quelque chose de très fort. Très très fort. Une halakha. C'est incroyable. C'est quand on apprend le Rachaim, on trouve le Zohar, la Kabbalah, la halakha, le Rambam, la Gemara, tout. C'est quoi la preuve du Or HaChaim? C'est très simple. Autant les Yetziat Mitzrayim, oui, les Bnei Israël, ils devaient amener un korban. Quel korban ils devaient amener? Pessah. Korban Pessah. Très bien. Hein? L'agneau Pascal. Oui, l'agneau Pascal. Très bien. Seulement s'ils ont fait le prix, ils ont fait. Il y a une condition qui est rapportée, oui. Ou une deuxième. Il y en avait deux. Arel, Oya Arel. Arel. C'est quoi la condition? Il devait avoir une Brit Mila. Et ta mémette. Hein? Razakouba. Cette condition n'est pas amenée. Quelle condition? Condition d'impureté de mort. Ta mémette. Par la mort. Impureté n'était pas une condition qui était ramenée dans la Torah. La condition, c'est qu'il devait être circoncis, mais pas d'impureté. Excusez-moi. Hein. Oui. Tant on dit qu'ils avaient atteint les 49 degrés d'impureté. Exact. Mais si il n'avait pas cette, on ne parle pas d'impureté. Pourquoi est-ce qu'on dit que ils ont atteint ce degré d'impureté alors que avant Matan Torah, l'impureté de l'Égypte, il était 1%. Pour qu'on parle d'impureté, oui. Il n'avait pas ce néfèche. Donc, automatiquement, on a oui, dit mais qu'il n'a pas de néfèche, il n'a pas d'impureté. D'impureté reliée à quoi? Ils sont arrivés à un niveau très bas. Hein? Non. Peut-être de faute, je ne sais pas. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire la Touma, mais cette Touma ne les a pas affectés concernant faire. Ils sont arrivés à un état d'impureté, si vous voulez dire, à un état de morale très très bas. Oui. Hein? Ok, Touma, mais Touma de quoi? C'est l'impureté. Est-ce qu'il y avait une condition? Est-ce qu'il y avait. Hein? Avodah Zara, etc. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est en train de supporter ce que l'Orachim est en train de dire. Ils n'avaient pas une condition comme condition, avait appelé cette condition d'amener un agneau pascal. Le korban Pessah, HaKadosh Baruch Hu leur dit, attention, avant que vous ameniez un korban, HaKadosh Baruch Hu il aurait pu dire très simplement, avant que vous ameniez un korban, il faut faire une circoncision. Deuxièmement, il faut aussi, para aduma, vous allez vous... Non, il n'y a pas cette condition. Il n'y a même pas eu la circoncision. Circoncision, oui, mais c'est la seule. D'ici le Rahim, qu'ils n'avaient pas besoin de se purifier parce qu'il n'y avait pas encore le contexte d'impureté de Tamémet. Peut-être qu'il y avait des autres impuretés de Avodah Zara, mais ça les a pas empêchés d'amener un korban. Vous comprenez le concept? Ça veut dire que l'état d'impureté du peuple juif, de pureté et d'impureté, a commencement au moment de Matan Torah. Et ce que... Ça peut-être c'est déjà mon propre chidouche, je sais, le Rahim ne le dit pas, mais c'est au moment-là que tout le peuple juif, en étant un peuple, reçoit leur Nefesh HaElokit. Avant ça, c'était certaines personnes. C'est ça que ce que le Rahim a dit. Dans chaque génération, il y avait des très grands tzadikim, que ce soit Abraham, que ce soit Noir, que ce soit Adam Arishon, qui étaient les grands tzadikim, qui avaient une Nefesh HaElokit. C'était des gens très spéciaux. Mais les gens, comme peuple, le peuple juif, reçoit et devient une nouvelle entité au temps de Matan Torah. Et le Rahim, il continue et il dit qu'ils étaient considérés comme le digne d'un guerre. Un guerre, par exemple, qui se convertit Yudalet Ben Nissan. Yudalet Ben Nissan, c'est le jour, la veille de Korban Pessah. Il peut amener un Korban Pessah tout de suite. Selon Halakha. C'est pas la Halakha, mais a priori, il n'y a pas de problème qu'il ramène un korban. On ne le fait pas parce que pour que l'année prochaine, il ne se mélange pas, mais a priori, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'il peut amener un korban? Jusque ce temps-là, il était impur. Yudaled, jusque ce temps-là. Ça prouve que jusqu'à ce moment-là, toute l'impureté qu'il avait avant qu'il était juif, ne s'applique pas. Juste au moment qu'il devient un korban, c'est comme s'il devient une nouvelle entité. Et ça, ce que le Chida dit aussi, le Chida dit quelque chose de très incroyable. Pourquoi est-ce qu'on dit guerre chez Nitgayer? Un converti qui s'est converti, c'est faux. Un non-juif qui s'est converti. Goy chez Nitgayer. On ne peut pas l'appeler Goy, puisque pourquoi? Nitgayer. Parce que Nitgayer, tu vas lui rappeler d'où il vient. Tu n'as pas le droit de faire ça. Non, mais... On n'est pas en train de discuter avec lui. Il faut appeler un chat un chat. Non. C'est un chien, c'est pas un chat. Mais un chat, c'est un chat. Très bien. Très bien. Mais on n'est pas en train de discuter avec lui, en train de dire une halakha. La halakha, elle dit Goy Shenit Gayer. On n'est pas en train de parler spécifiquement de ce gars-là qui s'est converti. C'est Goy Shenit Gayer, un non-juif qui s'est converti. On n'est pas en train de parler spécifiquement de quelqu'un spécifiquement. Alors le Chida, il explique que Ger Shenit Gayer, c'est qu'il y avait toujours une échama d'un juif. Potentiellement, ce Ger Shenit Gayer, il avait l'âme divine potentielle qui se trouvait en lui. Et c'est pour ça qu'on emploie Ger Shenit Gayer, le converti qui s'est converti. Et ça, c'était au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, les Bnei Israël prennent une nouvelle entité. Une entité qui se trouve dans leur âme divine. Quelqu'un vous demande une question, excusez-moi. Merci. T'as dit en français. Si on dit qu'il n'y avait pas de Kedusha avant Matan Torah. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de Kedusha. Ah, qu'il n'y avait pas d'impureté et de pureté. Ok, oui, très bien. Oui, oui, oui. Ça veut dire que toutes les chemins de la Shvatim, ils n'étaient pas obligés de garder toutes les alakhot de la Mishpata ou quoi que ce soit. Ils n'avaient pas une obligation. Est-ce qu'ils les gardaient, c'est une autre chose. Mais est-ce qu'ils avaient une obligation de les garder? Certainement pas. Selon tout le monde. Ils n'avaient pas une obligation. Et les patriarches aussi. L'Agmara dans Massacre des Rouvines, il dit que Abraham, il a gardé tous les mitzvot, mais il n'était pas mitzouvé. Il n'était pas commandé de les faire. Mais ça ne faisait rien si maintenant il allait au mikvé. C'était comme rien, comme une goya. Elle met souvent les choses. Moi, goya, je voulais faire un mikvé. Je ne sais pas si c'était comme une goya. Est-ce qu'ils avaient un scrout pour ça? C'est là que je n'ai plus. C'est là que c'est ma chose. Certainement. Elle n'a pas de vidéo. Oui. Pour les votes, oui. Déroulement, si on comprend bien, c'est surtout la Brit Mila qui donne les péchés d'Oïm. Hein? Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, après Matan Torah, maintenant, après Matan Torah, comment est-ce que ça nous applique à nous? Bien sûr que il dit que la nefesh elokit rentre dans le bébé au temps de la circoncision. Et pour la finition. Mais pour la finition, c'est au bar mitzvah. Non, la fille, la fille. Pour la fille. À 12 ans. Ça veut dire qu'avant 12 ans, elle se dévoile. Selon les écritures de Kabbalah, c'est à l'âge de 13 ans que la nefesh elokit se dévoile chez le garçon. Autant chez le garçon, chez la fille, c'est 12 ans. Elle est beaucoup plus intelligente. Elle n'a pas besoin de la Mila. Elle n'a pas besoin. La Gemara, elle dit Bat ke meoula dami. C'est comme si elle était circoncise. Elle considérait comme si elle avait déjà une circoncision. D'ailleurs, on sait très bien que les femmes sont à un niveau beaucoup plus élevé que les hommes. Dafka. Le Maharal, il explique que pourquoi est-ce que. Une des explications. Pourquoi est-ce que les femmes disent toujours, ah, nous, on est mis de côté, c'est comme si on n'est pas obligé de faire Shelo Asan Isha, etc. Est-ce que la Torah ne donne pas une importance aux femmes? Certainement pas. Le Maharal, il dit, bon, l'explication très très simple, pourquoi est-ce que les femmes sont acquittées de des mitzvot? C'est que parce qu'ils sont toujours préoccupés avec les enfants, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps de faire parce qu'ils doivent s'occuper des enfants. Ça, c'est l'explication très simple. L'explication plus profonde, le Maharal, il dit que les femmes, ils sont à un niveau beaucoup plus élevé, qui sont beaucoup plus raffinées, et ils sont prêtes déjà à recevoir dans le Gan Eden. Parce que les mitzvot et la Torah, ils sont ici pourquoi? Pour raffiner l'homme. L'onidna Torah et le tzaref est à briot. De bien raffiner l'homme, etc. Bon. Je dis ça généralement. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont un petit peu dures? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont moins durs? Etc. Mais généralement, la femme, généralement, elle est beaucoup plus raffinée. Le Maharal Mipra qui dit que c'est pour cela qu'ils sont acquittés des mitzvot. Parce que ce raffinement qui se fait à travers les mitzvot, la femme, naturellement, déjà là. L'homme, il est né de la terre. Il est une bria à Hadasha qu'Hachem a fait à partir de l'Adama. Oui. Et la femme, elle est faite à partir déjà de quelque chose d'un peu plus élevé que la terre. Donc déjà, ben ouais, elle est faite à partir d'une substance humaine qui est déjà à un niveau plus élevé que l'homme. Ouais. Bon, alors passons maintenant à un autre point. Concernant la parade d'Ouma, c'est rapporté que Shlomo HaMelech Alav HaShalom, il a dit Achakema Veirechoka Mimeni. Shlomo HaMelech voulait, il a essayé, si on veut, de trouver le secret de la parade d'Ouma. Et il a dit, j'ai tout essayé, Achakema Veirechoka Mimeni. Elle est très loin de moi. Tandis, hein? C'est un choc. Très bien. Mais ce choc a été dévoilé à Moshe Rabbeinu. Et Aaron aussi, non? Il y a qui disent Aaron. Moi, j'ai vu un autre livre dans le Shla Kadosh qui rapporte que même Rabbi Akiva le savait. Mais ouais. Je ne veux pas rentrer dans ça. Il explique la différence entre Moshe et Rabbi Akiva. Je ne veux pas rentrer maintenant dans ça spécifiquement. Mais. C'est le chaman, non? Hein? Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu? Peut-être. Rabbi Akiva, il n'était pas nécessairement de. Quand c'était Moshé, pas un Lévi. Quand Moshé est allé à l'Aïcha. Le voir. Il a dit. Al-Khal Moshé Mizinaj. Il était content. Vous vous rappelez de cette histoire? De toutes les façons, il y a plusieurs Hokim. Oui. Il y a plusieurs Hokim. Dans la Torah, on ne comprend pas. Oui. Alors, c'est quoi la différence de Chok maintenant? Exactement. C'est quoi la différence? Alors, j'ai trouvé un pirouche très intéressant, qui a un message très très très fort, même un message pour notre génération. Globalement, qu'est-ce que ça parle de cette idée de parade d'Ouma? Premièrement, la plus grande question qui se trouve dans la parade d'Ouma, c'est que la personne qui est impure, oui, devient pure, et ceux-là qui ont préparé toutes les choses préparatives, à part la personne qui va qui va asperger, il devient impur. La personne qui asperge, elle reste pure. Parce qu'elle touche pas le. Toutes les personnes qui sont autour, ceux-là qui amènent le rafa, qui amènent la cendre, ceux-là qui font tout, ceux-là qui portent, tous les porteurs, etc., deviennent impurs. Tandis que la personne sur qui on asperge devient pure, celui qui asperge, lui-même, il reste. Alors, c'est très question. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement? C'est comme un petit peu, c'est pas pour expliquer, mais quelqu'un qui fabrique un vaccin dans un hôpital, dans un laboratoire, c'est lui qui tripote le vaccin, il peut mourir d'exposition au vaccin. Ok, c'est une bonne métaphore. J'ai trouvé une métaphore, quelqu'un qui rapportait que la personne qui est en train de quicksand, comment on dit le quicksand? Du sable mouvant, oui. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans du sable mouvant, qui est en train de rentrer, et il y a quelqu'un qui essaie de le sortir. C'est lui qui va essayer de le sortir, il va s'enfoncer avec lui un petit peu. Non, mais il explique comme ça. J'ai trouvé un pirouche extrêmement fort. Et il dit comme ça. Logiquement, on peut expliquer le din de Paradouma. Comment est-ce qu'on va l'expliquer aujourd'hui? Les Kohanim, c'était qui faisait tous le côté préparatif de Paradouma? C'était les Kohanim. Oui? Maintenant, les Kohanim eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le. Les Kohanim, toute l'année, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Ils abattaient le bétail. Non, mais. Est-ce qu'il y a un Kohen ici? Pas de quoi. Combien de temps par année le Kohen travaillait dans le Beth Amikdash? Deux semaines par année. Il y avait 48 Arbaim Vejmot et 24 Mishmarot, excusez-moi. 24 gardes. Quelques semaines. Une semaine, ça fait 48 semaines par année. Deux semaines et quelque chose, chacun faisait. Ah, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant toute l'année? Ils étudiaient en Asie, n'est-ce pas? Vous avez dit. C'est ça. Alors les Kohanim, leur travail dans le peuple juif, parmi le peuple juif, c'était quoi? D'élever le peuple juif. De lui enseigner la Torah. Les Lévim, ils avaient des villes, ils se dispersaient pendant toute la terre d'Israël. Et ils enseignaient le peuple juif la Torah. Ils ne parlaient pas juste d'Aramiklat. Okay. Ils avaient des villes, ils avaient des gens, etc. Ils s'occupaient des troupeaux, etc. Mais leur travail dans le peuple juif, c'est de diffuser la Torah, d'enseigner, d'élever le peuple juif. J'ai pas fait Moutra, c'est trop tard. Non, vous pouvez le faire. Je pensais qu'on allait arriver à faire. Alors, c'était quoi? Ils le font maintenant. Ils vivaient alors qu'avec les maaser et les. Oui, le Lévi, ils n'avaient pas une portion dans la terre, ils n'avaient rien, ils vivaient avec la portion. Mais tout leur travail, c'était de diffuser la Torah, d'enseigner le peuple juif la Torah. Quand les Talmid et Chachamim, ils avaient des yeshivot, ils allaient dans des différentes villes, ils leur enseignaient les lois de la Torah. Ça veut dire. Ils avaient une obligation envers la communauté, toute la communauté juive. Ils avaient une obligation d'élever, le moral dans le peuple juif. Ils avaient d'enseigner la Torah au peuple juif. Alors il dit que comment est-ce que ça peut arriver qu'un juif s'impurifie par un cadavre? Comment est-ce qu'un juif peut arriver à s'impurifier? Il y a beaucoup d'exemples. Mais il dit que si les Kohanim, ils auraient bien enseigné les lois de la Torah au peuple juif, et ils les auraient bien élevés moralement, et ils auraient su toutes les lois de la Torah, il n'y aurait jamais d'impureté parmi le peuple juif. Jamais. C'était le travail de chaque leader qui se trouvait dans le temps, d'élever le peuple juif. Et s'ils auraient élevé le peuple juif, il n'y aurait jamais un état d'impureté. C'est pour cela, c'est spécifiquement les Kohanim qui doivent se déplacer de leur place, de leur ville, et ils doivent venir et purifier ou s'occuper de la paradouma pour purifier le peuple juif. Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail ou ils n'ont pas fait assez leur travail, ils prennent une partie de l'impureté du peuple juif qui est devenu impur. Et ça, c'est une très grande leçon qu'on voit, comme Moshe Rabbeinu en trouve, que Moshe Rabbeinu lui-même, après que le peuple juif a péché dans le veau d'or, qu'est-ce que je lui a dit ? Descends, parce que ton peuple a fauté. Et les commentaires, ils disent, il lui a dit, tu vas descendre de ton niveau. Pas juste descendre physiquement de la montagne, tu vas avoir une descente. Parce que quand le peuple juif a une descente, même les grands rabbins, même les leaders, ils ont une très grande descente. Et il dit, c'est pour cela, le Kohen, quand il s'occupe de purifier le juif, de lui amener cette pureté, lui-même, il devient impur. Parce qu'il prend une partie de l'impureté du juif. Vous voulez demander quelque chose ? Non, excusez-moi. Okay. Est-ce que ça a répondu ? Exactement la même leçon comme Moshe Rabbeinu. Et le din de tout le din de Paradouma, le Or HaChaim, il explique. C'est pourquoi c'est écrit Vaikro Elecha. Pourquoi la Paradouma, elle est spécifiquement reliée à Moshe Rabbeinu ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Moshe Rabbeinu, comme on avait expliqué, c'était le seul qui avait le secret, ou Aaron ou les autres commentaires qui disent, mais Moshe Rabbeinu, la Paradouma, elle est connectée et reliée à Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Dans tous les mitzvot, à part les mitzvot, il y a un côté du maasé, côté pratique, on doit faire les mitzvot. Côté pratique, chaque juif, il a une mitzvah, il doit faire une mitzvah. Maintenant, dans les mitzvot aussi, il y a aussi quelque chose qui a une kavana, on doit avoir une kavana, qu'on prie, qu'on fait la mitzvah, etc. Il y a aussi des kavanot très très élevés. Les kavanot des grands tzadikim, par exemple, du Arizal, tous les kavanot, etc. Mon cher Rabbeinu, quelle est l'importance ? On voit ici quelque chose de très très très très fort concernant notre relation au tzadikim. Un tzadik, pourquoi on doit se connecter à un tzadik, au tzadik, à Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il a reçu le secret de la Paradouma. Alors même qu'au temps, quand les juifs pratiquaient cette mitzvah, ils ne connaissaient pas le secret. Et on sait très bien que le Zohar, il amène une mitzvah sans kavana, c'est gufke belo neshama. C'est comme un corps sans âme. Parce que l'âme de la neshama, c'est quoi? C'est la kavana. C'est très bien quoi que je vois. On peut faire des mitzvot, on fait une mitzvah, mais il y a quelque chose de spirituel dans la mitzvah elle-même. Cette mitzvah est élevée par Moshe Rabbeinu, par les kavanot des tzadikim. Moshe Rabbeinu, même que le peuple juif n'a pas une kavana, ne comprend pas la kavana, mais en se connectant à Moshe Rabbeinu, le Or HaChaim il dit, Moshe Rabbeinu, il a une kavana pour tout le peuple juif. C'est pour ça le verset il dit va ikru elecha, et ils prendront à toi. Ça veut dire, parce que le verset aurait pu dire très simplement va ikru. Pourquoi il dit va ikru elecha? Va ikru elecha voulant dire que Moshe Rabbeinu il va élever les kavanas du peuple juif quand ils font la mitzvah, même qu'ils n'ont pas une kavana. Moshe Rabbeinu va élever tous les mitzvot du peuple juif. Et ça s'applique à même aux mitzvot qu'aujourd'hui. Pourquoi c'est tellement important qu'on va appeler Nirilé un tzadik? Pourquoi on va le voir? Quelle raison? Qu'est-ce que le tzadik il fait pour moi? Oui, je veux une bracha. C'est très bien, on fait des brachot, on demande par la satova, shalom bayit, etc. Mais le tzadik, il a une force beaucoup plus forte que ça. En se connectant au tzadikim, les tzadikim nous élèvent, même dans les mitzvot pratiques que nous on fait. Vous voulez dire ? Oui, je voulais dire. Quand j'étais en Israël, il y a quelques années, et j'ai rencontré un rabbin, il m'a dit, je lui ai dit que, parce qu'il était de. C'est le petit-fils. Tu te rappelles le Chouaké ? Le qui faisait le tribunal. Tu te rappelles le Simon ? Ben Olivier ? Son fils. Il devenait un grand rabbin en Israël. En tout cas, alors, je lui ai dit que j'allais à la Eloula, voir les salles de. C'est mieux de ne pas y aller. Mais dit, même pour ton père, pour quelqu'un de la famille, tes grands-parents, il ne faut pas y aller. Je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, quand même, pourquoi ? Il m'a dit, écoute, ça a pris un an pour que l'âme se repose. repose et puis tu lui dis, quand tu reviens le voir, c'est comme tu lui dis de redescendre. C'est-à-dire, ben, ça c'est une interprétation personnelle. Parce qu'on va faire la Hiloula. On va dans toutes les Hiloulas. C'est pas plus, on veut ça décoller naturellement, on est dans le monde droit. Et là, on est partout. Oui, mais ça, c'est quand on m'a dit, on a parlé cette fin de semaine avec quelqu'un. Quoi, de ne pas aller pèleriner? C'est une mort, c'est des, il faut laisser tranquille. Surtout chez nous les Marocains. Il faut laisser tranquille. Mais non, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même, il avait dit le jour on l'appelle une Iloula. C'est quoi le mot Iloula? C'est quoi une Iloula? C'est un jour de mariage. Iloula, dans le temps de la Gemara, ça s'appelle Yom Khatuna, un jour de fête. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le premier qui a révélé que le jour de. Quand le tzaddik Soyom Aptira, le jour qu'il est décédé, c'est le jour d'une fête. Alors, on doit fêter avec lui. Bien sûr qu'il faut aller. C'est une journée de fêter. Non, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Non, non. Vous mélangez peut-être les choses. Non, non. Il y a un temps qu'on dit qu'après qu'une personne. La première année, on attend jusqu'à le 13e mois, on ne va pas au 12e mois parce que l'année Shama, elle vient de monter, etc. Mais c'est une autre chose. Mais un tzaddik, c'est une autre chose. Le Rachaim, il explique que le tzaddik, il a même. Qu'est-ce que c'est écrit dans mon cher Rabbeinu l'omet. Mon cher Rabbeinu n'est pas mort. Parce que c'est quoi la mort? Ça représente quelque chose qui n'existe plus. Elle n'est plus là. Mon cher Rabbeinu, omet ve mesharet. Mon cher Rabbeinu, la vie d'un tzaddik n'est pas une vie physique. La vie d'un tzaddik, c'est une vie spirituelle. C'est pour ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il appelait ça un jour de mariage? Yom HaHilula. La Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que c'est le jour où ce que sa Nechama a une union avec Akash Baruch Hu. Il se remarié avec Akash Baruch Hu. Sa Nechama, elle est dévoilée. Et il se trouve dans ce monde autant qu'il était. Et on trouve plusieurs Gemara. Yaakov Avinu, la Gemara dans Maseret Tanit, il a dit Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. La Gemara a dit, mais on l'a vu. Chantou Chanoutai, on l'a vu quand ils l'ont enterré, on a vu comment ils l'ont embaumé, etc. Comment est-ce que tu peux dire? Il dit non. Avzaro Bachaim Afu Bachaim. Puisque ses ancêtres sont en vie, il est toujours là. Il est toujours là avec nous. La vie d'un tzaddik n'est pas une vie physique. C'est une vie spirituelle. Spirituellement, il est illimité. Il se trouve toujours. Hein? Vous êtes allé finalement? Non, moi je vais tous les ans. Normalement, je vais tous les ans, ça dit. Mais quand il m'a dit ça, je continue. Mais je veux dire, comme ça, ils vont les Breslev. Pour Rosh Hashanah, celui qui vient chez moi, c'est ce qu'ils disent, non? Que quoi? Je serai l'avocat pour la chaîne pour vous. Oui, ça c'est parce que c'est Rabbi Nachman, il aura promis que chacun qui vient le visiter à Rosh Hashanah, mais ça c'est spécifique, il avait demandé spécifiquement à Rosh Hashanah, mais les tzadikim, c'est quelque chose, comme il dit, on avait vu dans Parashat Shelah, quand les Meraglim, ils étaient envoyés où? Où est-ce qu'il est parti, Yeshua, Caleb Ben Yefouné? Il est parti à Hebron. Il est parti pèleriner Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'est pas parti... Il n'est pas parti n'importe où, il est parti là-bas. C'est pas l'allusion aussi à quelqu'un qui est pas allé sur le quai vert de ses parents pendant très longtemps, il faut qu'il envoie quelqu'un. Peut-être, c'est peut-être ce que je ne sais pas. Il ne peut pas être. Moi, il m'a dit que non. Non, il m'a dit que peut-être j'ai mal compris ça, mais je suis sûr qu'il m'a dit que c'est non. Les parents ou les choses, je ne sais pas. Aux parents, c'est quelque chose, peut-être c'est quelque chose d'autre. Mais un tzaddik. Il y a même, on sait très bien qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. Ouais. Tandis qu'il y a des commentaires qui disent quand il va chez un cimetière d'un tzaddik, il peut aller. Ah oui? Oui, parce que il doit être protégé, etc. Il y a des années spéciales, ouais. Il y a un truc. Bon, il n'y a pas tout le monde qui dit ça, il y a des autres décisionnaires qui disent que non, etc. Mais c'est un. C'est ça, il y a même le groupe ouvert. Il y a aussi, si vous allez chez le rabbi ici à New York, ils ont quand même un truc. Une chaise à porteur comme ça, il est couvert. Ça veut dire que même pour aller chez un tzaddik, c'est. ça surpasse aussi tout le concept de la Touma d'un Kohen. Comment ça se fait que dans les cimetières, les Kohanim sont mélangés avec les autres personnes? Quand ils sont décédés, c'est. Non, mais il y a juste un truc. Au Maroc, il y avait des cimetières de Kohanim. Voilà, c'est ça. Au Maroc. D'habitude. Il y avait un cimetière seulement pour les Kohanim. D'habitude. Ah, là, ça va, il y a 5 ou 6. Non, d'habitude. D'habitude, on essaye de les enterrer. On essaie de les enterrer à l'entrée. Ouais. À l'entrée. Que tu puisses voir la tombe. Parce que. Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. Ici, ils essaient de les mettre à l'entrée. Que leurs enfants qui sont des Kohanim, par exemple, ils peuvent. À l'entrée, ils peuvent de dehors sans rentrer immédiatement. Mais bon. C'est pas toujours. S'il y a beaucoup de Kohanim, l'entrée elle doit être très grande. Point final et le dernier point, c'est que mon cher Rabbeinu, c'est quoi la relation avec la para Adouma? On vient d'expliquer que mon cher Rabbeinu, c'est celui qui, selon le Orach Haïm, c'est lui qui s'élève le peuple juif, même dans les Kavanot. Dans la Kavana de para Adouma, c'est mon cher Rabbeinu qui a la Kavana pour tout le peuple juif. Concernant la dernière para Adouma, c'est écrit que ça va être le Mashiach qui va amener le dixième. On avait dans toutes les générations, il y avait juste 9, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Melech HaMashiach, on avait juste 9. Dans toutes les générations, on a toujours mélangé le cendre de la para Adouma de Moshe Rabbeinu. Vous pouvez rappeler oui. Le principe de para Adouma, c'est quoi comme. Alors le para Adouma, qu'est-ce qu'on faisait avec para Adouma, c'est une vache rousse. Elle est parfaitement rousse. Même deux poils noirs, elle est. Ah voilà. C'est ça. Pas valable. Et il a trouvé où? N'importe qui pouvait l'amener. N'importe qui pouvait le trouver. Devenir riche. Parce qu'on lui donnait à n'importe quel prix. Et il fallait l'acheter à un certain âge, qu'elle devienne déjà une para et pas quand elle est encore petite. Mais alors, cette para Adouma, même ses cornes devaient être rouges. Tout, du pied jusqu'aux cornes. Les cornes aussi, ils étaient rouges. C'était tout rouge. Jamais du poids. On ne peut pas poser du poids. La dernière, c'était quand? La dernière, c'était juste au temps du à la conclusion du deuxième Beth Amigdash. Ah, dans le deuxième Beth Amigdash, il y a eu une para Adouma. C'était la dernière. C'est la dernière. C'est ainsi que Mashiach va venir. Mais vous avez entendu que même les cornes, ils étaient rouges. Wow. Toute la para Adouma du pied jusqu'à la tête était complètement rouge. J'ai jamais lu ce détail. Mais... c'est la faille. Talpaïm, Karnaïm, Akol, tout rouge. Du pied jusqu'à. Trop rouge. Hein? Trop rouge, j'ai pas eu la couleur. Para Adouma. Pourquoi? Parce que dans la Kabbalah, c'est écrit, c'est les liens des dinim. Rouge, c'est les liens des dinim. On a toujours un petit peu du début pour mélanger. Oui. Le FR de para Adouma, le centre que Moshe Rabbeinu avait comme pour la para Adouma, hein, on l'a. Donc aujourd'hui on n'a pas, on n'a rien aujourd'hui. Non, on a dit tous, mais ils avaient toujours le centre. Dans toutes les générations, ils avaient un petit peu de cendre de la para Adouma de Moshe Rabbeinu qui mélangeait avec un petit peu. Maintenant, le cendre on le mélangeait avec Maïm Chaim. C'est quoi Maïm Chaim? C'est de l'eau. Non. Pas de l'eau, pas Maïm Chamim, Maïm Chaim. Peut-être un peu de chose. Mais Maïm Chaim, ça vient de l'eau de source. L'eau de source. La Maria. Naturelle. C'est lui que. Ça vient Maria. Lui, quand j'ai mangé sur lui, il buvait un peu de Maria avant. Mais... Non, on mélangeait avec le Maïm Chaim, l'eau de vie exactement. Et on prenait Ezov, comment on dit Ezov en français? Lissov. Et on lui faisait le troisième jour, le septième jour. Maintenant, cette para Adouma, on ne pouvait pas poser rien sur elle. On ne pouvait jamais l'utiliser pour rien. Ce qui est aussi très intéressant, ce n'était pas un korban non plus. La para Adouma, tous les autres korbanot, on amenait, c'était dans le Beth Amikdash. on faisait la shrita, etc., dans le Beth Amikdash lui-même. Tandis que la paradouma, on la faisait à l'extérieur, assez loin de l'entrée du temple, etc., et on la brûlait entière. Après la shrita, oui, bien sûr. Mais on la brûlait entière. Après qu'on faisait la frita, évidemment, on la brûlait entièrement. Et ne mangeait pas. Personne. Personne. Elle devenait du cendre. Avec cette cendre, ça, c'était le sang de la. C'est le sang de la. Ce qui me voit, c'est les clafaïm, les carmine clafaïm. Est-ce que ça existe des jamais. Hein? Ça existe? Non, j'ai des vaches rousses. Oui, il y a des vaches rousses, mais les carmine et les clafaïm. Les cornes et les sabots, j'ai jamais vu que ça existait comme un massé. Ça s'est jamais trouvé dans la nature humaine, quoi. Peut-être que c'était vraiment une par génération. Ouais, non, mais je vous crois, puisque vous l'avez non, dit. Non, j'ai pas de. Non, mais c'est intéressant de... Alors, va vous attendre concernant comment ils faisaient les vaches à dimanche. Ouais, mais non. Avec le bol de sang, devant la vache au moment de l'accouplement. Vous avez vu ça? Oui, c'est vrai. Alors la dernière, on va finir avec ce point. La dernière paradouma, ça va être Melech HaMashiach qui va l'amener. C'est ça. Oui, et c'est encore, on trouve toujours une connexion avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que la paradouma, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient rectifier, si on veut. Les commentaires, ils disent que la paradouma, elle est venue rectifier le péché de Chet HaEgel, de Vodor. Et les méfarchés me disent, viendra la mère et elle va rectifier le péché de son petit-fils qui est le Vaudor, etc. Alors, elle est venue rectifier. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé au moment du Vaudor? Qu'est-ce qui est arrivé? Adam Arishon, c'est le premier qui a fauté, oui. C'est le premier qui a fait un péché. Il y avait le premier péché, c'est Adam Arishon. 3 heures avant Shabbat, il fait un péché. Vous allez m'expliquer plus tard. Oui. Alors Adam Arishon, c'est le premier qui fait un péché et il amène le mal dans le monde, il amène la mort dans le monde. Avant ça, il n'y avait pas de mort, etc. Au temps de Matan Torah, on est revenu comme qu'on était au temps de Adam Arishon. C'est Aaron qui a ramené le mort. Hein? Cette fois, c'est Aaron qui a ramené le mort. C'est ça. Ils sont devenus immortels. Tout. Il n'y avait pas de mort dans le monde. Ça n'existait plus. À Matan Torah, le monde, comme si on a fait un reset. On est retourné comme au jour qu'on était au Gan Eden. Il n'y avait pas de mal. C'est pas qu'il n'y avait pas de mal. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais le mal qui se trouvait même dans le Gan Eden, c'est pas qu'il n'y avait pas de mal. Il y avait du mal et du bien, mais on pouvait le reconnaître. C'est de ça Gan Eden. C'est quoi Gan Eden? Quand on peut reconnaître le mal et le bien. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, des fois on ne peut même pas différencier entre le bien et le mal. Même dans le mal, il y a du bien. Même dans du bien, il y a du mal. Il y a tout un mélange. Après le péché de Adam Arishon, le mal et le bien se sont complètement mélangés. Tandis qu'on ne peut plus retrouver le bien. Au temps de Matan Torah, la même chose, le même état. Le Vaudor a ramené tout. Et a ramené encore le mal. Et ce mal, c'était une des choses, c'était la mort. Oui, la mort, ça représente peut-être quelque chose de plus, le plus mauvais qu'il y a dans le monde, oui. Mais dans la paradouma, elle est venue rectifier ce que le Chet HaEgel a amené. C'est pour ça que la paradouma, elle purifie une personne qui est impure. Ta mémette. Du mort. Alors la paradouma, elle est venue rectifier ça. Mais la paradouma, qu'est-ce qu'elle rectifie? L'homme était impur par touché par un cadavre, par exemple. Maintenant, la paradouma, elle vient et elle le rend pur maintenant. Mais la paradouma n'a pas enlevé le concept de la mort complètement du monde. La mort toujours existe. C'est juste que l'impureté de la mort a été enlevée par la paradouma, mais n'a pas été déraciné par la paradouma. Tandis qu'au temps de Mashiach, la dernière rectification de la paradouma, c'est que le Mashiach va en « Vebila amavet la netzach ». La mort cessera d'exister. Et cette chose éternelle qui va toujours exister, que la mort n'existera plus dans le monde, elle est venue par la force de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la Gemara, elle dit « Ma'aseh yadav » Kayamim la'ad. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, une des explications, ils disent que pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas rentré le peuple juif dans la terre sainte? Une des explications, elle dit que parce que si Moshe Rabbeinu serait rentré en terre d'Israël, c'est lui qui aurait construit le Beth Amikdash. Il ne peut pas tuer. Oui, c'est lui qui aurait construit le Beth Amikdash. Hachem n'aurait jamais détruit le Beth Amikdash parce que c'est Moshe Rabbeinu qui l'aurait construit. Et ils disent les Maasei Yadav, les choses que Moshe Rabbeinu y touche, ils sont éternels. Ils vont jamais être détruits. Alors Moshe Akadosh Baruch Hu, il n'aurait jamais détruit le Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il aurait détruit? Il aurait détruit le peuple juif avant qu'il aurait détruit le Beth Amikdash. C'est pour cela Moshe Rabbeinu n'est pas rentré dans la porte. Akadosh Baruch Hu a puni les pierres et les roches du Beth Amikdash et non le peuple juif. C'est pour ça Moshe Rabbeinu, il ne rentre pas, parce que les choses de Moshe Rabbeinu sont éternelles. C'est pour ça la Para Adouma, la dernière, même si que ça va être Mashiach qui va l'amener, mais c'est par la force de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans toutes les générations, c'est lui l'intensel qui se trouve dans le sac juif, que même qui ne se trouve pas dans la Kdusha, qui est représenté par la mort, Chas v'Shalom, c'est un intensel qui peut toujours trouver et de se purifier par la force de Moshe Rabbeinu. Le Khetagel, c'est pas après que Moshe Rabbeinu. Après Matan Torah, avant. Non, on a parlé de ça. On a parlé. Tu vas répondre.